vont s'agglomérer à l'ego planétaire, donc aux forces du mal, pour pouvoir lutter contre ça. Mais là, ils vont automatiquement à leur perdition parce qu'il va venir un temps où il n'y aura plus d'annales akashiques, donc plus de mémoire volatile planétaire. Donc, l'ego ne pourra plus grossir, ce qui fait qu'automatiquement, l'ego va être détruit. C'est-à-dire qu'il va être transformé en énergie intelligente. Alors, sur ceci, on termine la première partie. Pour le bénéfice de ceux qui sont ici pour la première fois, dans la deuxième partie, vous pouvez poser des questions par écrit. Je vous demanderai, par exemple, de bien les écrire de façon à ce que j'ai l'air de quelqu'un qui sait lire. Et puis aussi, nous avons une promotion qui consiste en ceci, c'est que lorsque vous achetez le billet